En un instant, la cousine bête était redevenue elle-même. En un instant, ce caractère de corse et de sauvage, ayant brisé les faibles attaches qui le courbaient, avait repris sa menaçante hauteur, comme un arbre s'échappe des mains de l'enfant qu'il a plié jusqu'à lui pour y voler des fruits verts. Pour quiconque observe le monde social, ce sera toujours un objet d'admiration que la plénitude, la perfection et la rapidité des conceptions chez les natures vierges. La virginité, comme toutes les monstruosités, a des richesses spéciales, des grandeurs absorbantes. La vie dont les forces sont économisées a repris chez l'individu vierge une qualité de résistance et de durée incalculable. Le cerveau s'est enrichi dans l'ensemble de ses facultés réservées. Lorsque les gens chastes ont besoin de leur corps ou de leur âme, qu'ils recourent à l'action ou à la pensée, ils trouvent alors de l'acier dans leurs muscles ou de la science infuse dans leur intelligence, une force diabolique ou la magie noire de la volonté. Sous ce rapport, la Vierge Marie, en ne la considérant pour un moment que comme un symbole, efface par sa grandeur tous les types hindous, égyptiens et grecs. La virginité, mère des grandes choses, magna parens rerum, tient dans ses belles mains blanches la clé des mondes supérieurs. Enfin, cette grandiose et terrible exception mérite tous les honneurs que lui décerne l'Église catholique.